Bah, je ne suis pas sûr. Par exemple, le lion mécanique, pour les pompes dont on parlait, l'architecture, l'organisation des fêtes, c'est déjà un travail d'ingénieur. Merci beaucoup, Pascal Brivois. Nos auditeurs pourront retrouver tout ce que vous nous dites dans votre Léonard de Vinci, homme de guerre, en attendant tous les beaux événements qui couronneront l'année du 5e centenaire, l'année prochaine, 2019. Merci beaucoup Anissa, nous nous retrouvons demain en direct au cœur de l'histoire à 14h. Oui, pour une émission consacrée à Winston Churchill, à demain.